Chen Zen rap professeur. Négro, j'ai plus de tech que 4 processeurs. Celui du démon pouvoir possesseur. Je serai seigneur comme Luffy. Qui lui a vie. Fuck un loup. Bisexuel comme Buffy. Gadin. Fuck l'éducation nationale. SO calage criminel. Traîne avec des patrons, des chimistes, des hackers et des criminels. Ils nous ont tout volé. SO ATM. Drip c'est négro sans aucun stress. Négro SO ATM. Débute les comprimés. Chen Zen. J'suis comme art, négro, t'es comme une carabine à air comprimé. J'veux les gros sous négro, pas de change. Vous avez sorti le rap, change. Comme un jamaïcain, j'compte la chambre. Dieu le taf, négro, pas de chance. J'suis dans le Xan, négro, j'arrive avec Amine. On y arrivera si Dieu le veut, Inch'Allah, amen, amine. Gardien, SO Dieu, fuck c'est foufou, démon. Sur la prod, j'ai le kung fu, j'démonte. Retour des cerveaux, SO Snooki. Gardien. T'es sur ta niche, SO Snoopy, fanatique, conce comme craquette, SO Bouki, pétasse. Galère. MMS, LDO, NLM 7. J'suis dans le sang. Galère. Coupe dans le sang. Genzel en défense, j'suis dans le sang.